438. Activation. Oral. Present indicative of être. Answer according to the example. You hear, 1. Georges va bien? You say, non, il est malade. 2. Tu vas bien? Non, je suis malade. 3. Philippe va bien? Non, il est malade. 4. Colette et Alice vont bien? Non, elles sont malades. 5. Vous allez bien, vous deux? Non, nous sommes malades. Oh, comme c'est triste. 6. Et moi, je vais bien? Non, tu es malade. Oh non!